Bienvenue, on est là avec vous pour vous accompagner. Baptiste, vite, envoyé spécial, pars dans le couloir, tire ton casque. Voilà, tire ton casque et pars juste avec le micro. Hop, oh, on se fait un duplex. Va nous trouver. Vous voyez que le son est magnifique là. Va nous trouver Antoine, vite, on part dans les coulisses. Mais il est super loin. C'était un Antoine, fort voyard. Tu m'entends? Alors, oui. Ah, ben Antoine est. Mais où était-il? Mais c'est le truc le plus pourri de la Terre. Où était cet Antoine? À votre avis. Attendez, vous savez ce qui s'est passé? On voulait faire un truc magique. Ça veut dire qu'on a tiré un câble de 100 mètres pour aller faire un duplex. Pour préparer une super blague. Depuis les toilettes. Pour aller y cueillir Antoine Libot. Et Antoine, il est revenu s'asseoir comme il avait Antoine, il revient. Bonsoir. Et l'autre, là, le bateau, il est temps qu'il se mette en route. Eh bien, voilà, Antoine était assis en studio. Voilà. Vous l'aurez compris, on est beaucoup aujourd'hui. Ça se ressent. On est camping family, s'il y avait une promotion. C'est j'ai l'impression de... Là, ça se sent et ça se ressent. Ouais. Très, très bien dit. Ça. Alors, petite... il est nouveau, hein, Baptiste, hein, pour ceux qui nous rejoignent. C'est normal si vous ne le connaissez pas. On va faire un test qu'on a fait à tout le monde dans cette équipe, vous vous en souvenez vous-même. Ah oui, ça fait encore très très mal. Non, pas celui-là. Ah pardon. C'est en antenne ça. Bienvenue dans le milieu des médias. Non, non, l'autre test. Oh non. Alors, il transpire? Oui, je sens le cul. Ouais. Non, il sent bon. Non, non, non. Ah. Je me suis... Non, je transpire, effectivement. Oh, mais dis, Jadoul, ça y est. Non, j'ai l'allumine, j'ai le nid. Reviens un petit peu. Non, ça va, non, vas-y. Non, c'est bon. T'as pas été à 100% en dessous de son bras. Non, non, mais je ne n'irai pas. Allez, parce que je me suis approché et j'ai compris. À partir du moment où ça commence à s'égoutter tout seul par le bras, c'est mauvais signe. Il n'est pas rouge. Ouais. Il n'est pas rouge parce qu'il est mal à l'aise. C'est pas un oasis. Il transpire comme un gros veau. On m'appelle le veau, d'ailleurs. Le veau. C'est vrai? Oui, c'est aussi un de mes surnoms. Après bateau, c'est le veau. Le veau bateau, oui. Tu sais qu'on aura la protection animale qui va nous dire, mais non, on va vous donner des noms de sextoy à des veaux. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors que Maëva, elle fait chier personne. Elle est là, elle est classe, la molaire, avec une belle couronne manuscrite. Il y a une couronne autour de sa molaire. Antoine, vous pensez qu'on lui a collé des clichés? Non. C'est pas le genre de la maison. On n'est plus à cette époque-là. Pas du tout. Arrêtez avec ça. Antoine, pour nous, une personne lambda. Voilà. Rien. Même pas de l'humour. Même pas un petit sous-entendu sur son âge. À peine. Rien. Et qui c'est con comme une porte. Donc ça, c'est... Vraiment, on a posé les bases de l'émission. Ça, c'était méchant. J'ai pas entendu. Excusez-moi. C'est pas vrai. Très, très bien. Je confirme que c'est pas vrai. Ouais, parce qu'en plus une porte c'est très intelligent. Hein. Si on ne ferme pas cette porte là, il y a plein de bruit dans le studio. Hein. C'est vrai. Voilà. Wow. C'était un plus utile qu'intelligent. Ça c'est vrai. C'est vrai qu'on pourrait le dire. Un before de podcast qui se s'assimile plus à un échec, mais en tout cas qui vit sa vie. Qui vit sa vie. Il est là. Ce sera là sur l'internet. Il a le mérite d'exister. Et puis derrière, là, bah, vous allez découvrir tout ce qu'on vous a prévu pour cette nouvelle émission. Merci de nous avoir choisis. Vous inquiétez pas, il n'en reste plus que 5 après fin de saison. On vous laisse tranquille 2 mois. C'est parti. Notez le podcast, de préférence de manière favorable. Partagez-le et surtout, bonne écoute. Personne ne m'a suivi. Bon, alors, bientôt. Je vais vous faire un décompte avec mes doigts. Avec mes doigts. Oui, alors, oui. On voit tes doigts dans l'œil. Ça fait 3. Mal. 3. Aïe, aïe. 2. 1. Bonne écoute! Starts now. Faut faire le plein de bonne humeur. Ça tombe bien, vous êtes à l'heure. Dès 20h, c'est direct. On va rire, ce sera marrant. On s'en fiche du reste, on s'en fiche des autres. Les bons délires, ça, on leur fait confiance. Durant 2 heures, sans une prise de tête, c'est bien parti. On délire ensemble. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Tous les mercredis. Jadoul, Jadoul, Jadoul. Dans la trappe, Jadoul, Jadoul, Jadoul. Tous les mercredis, Jadoul, Jadoul, Jadoul. Dans la trappe. 3, 2, 1. Tous les mercredis, la trappe avec Jadoul et toute son équipe en podcast. Bonsoir, bienvenue, on est avec vous en direct comme chaque semaine pour vous accompagner. Qu'est-ce qu'on est content de vous retrouver. Oh oui. On a les poils des bras hérissés, en particulier Maëva. Mais arrête. Mais tu commences dès le début, 10 secondes d'émission et... Oui pardon, c'est pas gentil. Ça, j'ai pas tellement de poils sur les bras. Oui, non c'est vrai. Attendez, montrez tous vos bras, tout le monde montre ses bras. Eh bien c'est Antoine qui gagne. Ah oui. Bravo. Eh oui. Ouais. Voilà, de l'équipe. Félicitations. Mais moi, j'en ai même pas un seul. Hein. Non, t'en as moins que moi, et c'est ça qui, dit, qui est bizarre. Le patron s'épile. Non, je suis juste imberbe. Ah, quelle chance. Ah, c'est fou, ça. N'est-ce pas, Maëva? Oui. Une émission bien riche, avec plein de choses. Je vais vous présenter toute l'équipe qu'il y a ce soir autour de la table. Mais laissez-moi vous dire qu'il y aura évidemment la séquence de voyance, le Végastral de Dominique Vegas. Yes. On aura aussi l'interview combinée. Notre invité sera... Bonnie Banane. J'ai tendance à tout mélanger. Ça va être sympa, ça. Ah, c'est la pêche, hein. Ah, pour démarrer une émission, hein. Franchement, c'est décevant quand je vois le nom de Jean. Chouette. Plein de bonne humeur. Ah ouais. La question, Maëva, ce sera... Pourquoi le personnage Mario, il porte une moustache? Parce qu'il y a une raison. Ah, d'accord. C'était pas par hasard qu'il... C'est pas non, pour la beauté du geste. D'accord. Voilà. Bon, bah, on saura tout ça dans un instant. Mais avant ça, breaking news, s'il vous plaît. On se concentre sur une information capitale. Vous ne pouvez pas passer à côté. Vous ne pouvez pas continuer décemment de vivre maintenant sans savoir cette information. Ouais. À Nantes, sachez qu'un casting est organisé pour trouver un homme entre 60 et 90 ans, avec une forte ressemblance à l'inspecteur Derrick. Et nous avons l'homme de la situation pour jouer dans ce film. Oui, pas n'importe qui. Une pointure de ce milieu. Anthony Bott, bonsoir. Bonsoir, Jadoul, bonsoir à tous. Alors tiens, tu trouveras sur cette carte le numéro de téléphone du réalisateur. Super. Voilà. Et tiens, tant qu'on en parle, j'ai réussi à avoir le vrai inspecteur Derrick. Ah. Mais pour vous présenter tous, bonjour Derrick. Bonjour, je m'appelle Derrick. Oui, bah ça on savait déjà, on parle de vous depuis 10 minutes. Un petit mot pour chaque personne de l'équipe pour faire la présentation. Par exemple, Baptiste qui est avec nous dans le studio. Dans le fond. Dans le fond, il fait maître nageur, hein, il nous surveille. Si vous voulez la définition de quelqu'un qui est contre le radiateur près de la fenêtre. Mais très cool et très posé. Il a un coude sur la puce-fenêtre. Hein. Et le soleil en plus, il peut bronzer ouais. Tranquille. Nous, j'avais sué sur le micro et dans le casque, ça va être vraiment un plaisir. Bon, Derrick, un petit mot pour Baptiste. Oui, je vous demandais qui vous êtes. Ah oui, c'est un nouveau. Ben, maître nageur, déjà de 1. Oui. Et puis, intégrant de la radio KIF et de l'équipe de Jadoul. Voilà, exactement. C'est ça. Et sinon, Antoine, un petit mot pour votre sosie. Ça doit être le service de recherche. Ah non, c'est pas le service des recherches, c'est... Non, ça c'est difficile à dire. Le service d'archivage, plutôt. Archivage, oui, peut-être. voilà, c'est ça. Ensuite, la ravissante jeune femme. Magnifique. Depuis qu'elle a changé ses cheveux, elle se redévoile. Elle est vraiment magnifique. Derrick, un petit mot sur Maëva. J'accepterai de prendre un café avec vous si ça ne vous ennuie pas. Bah, moi, ça m'ennuie un petit peu, donc... Ah. Mais voilà. Non, mais c'est une belle touche. Maëva est d'accord. Oh, viens avec moi. C'est bon. C'est réglé. Et puis, nous avons notre jeune qui s'accroche. Kix. Voilà. Ouais. Un petit mot, Derrick, sur Kix. Il est gravement malade. Il va mourir. Bon, ah, bah, je vous permets pas. Première nouvelle. Bon, d'accord. Un petit mot peut-être pour rassurer Kix dès le départ. Votre mère a été arrêtée. Nous allons appeler un médecin. Elle est en pleine dépression. Bon, rip. Voilà. Ah oui, c'est très gentil. Bon, c'est gentil. et moi-même, peut-être un petit mot, Derrick, pour votre serviteur, Jadoul. Mais il y a une chose que je ne saisis pas. Vous êtes plutôt bel homme. Oui, vous avez de l'allure. Vous ne devez sans doute pas manquer d'amis du sexe féminin. Je confirme que non. Tout va bien. Je suis très entouré. Merci, Derrick. Cette émission démarre maintenant. Merci de nous avoir choisis. Jadoul en podcast. C'est comme un pare-soleil à ventouse sur une belle voiture de luxe. Ça dénote. Et c'est une faute de goût. Mais ça nous fait bien marrer. Tous les mercredis, Jadoul. Bah alors Maëva. Quoi? Tu ne nous as pas dit. Quoi encore? Mais tu as été appelé. Non, t'as appelé la police le week-end dernier. Non. Mais t'as appelé la police. Et en plus, La police que t'as appelé était suivie par RTL TVI et enquête. Petit ami, ami, quoi, non, compagnon. C'était mon copain, mais j'arrête. Ah non, non, ça vous vous débrouillez, je non. Je suis alcoolique. Ah, voilà. Mais quoi, on s'amuse. Donc elle erre dans la rue, elle ne sait plus rentrer chez elle. Il a pris mes clés. C'est allez chercher mes clés, s'il vous plaît, monsieur, il a mes deux paires de clés. Et comment se fait qu'il a les clés de chez vous, alors? C'est mon copain. Voilà, une histoire compliquée, visiblement. Oui, oui. Le problème, c'est qu'avec l'alcool, elle devient lourde. Mais j'étais une bête, j'étais une imbécile, en fait. Je peux vous emmener là où je décidais. Non, je ne vous le montrerai pas dans mon véhicule dans cet état. Non, non, je refuse. Ils vont monter par le toit. Avec mes collègues, on est là pour vous aider, ça va? On est là pour vous aider. Vous continuez comme ça, on arrête l'intervention. T'as compris? Je savais pas que quand j'avais bu, j'avais la voix de la meuf dans... Allez, les visiteurs, là, comment elle s'appelle? Ou Zézette, je sais pas. Ah oui, Zézette. Non, mais à un moment, le policier n'a plus de patience, alors il renvoie tout le monde à la maison, on verra tout ça demain au poste, et puis voilà, et là, il y a une pote qui est venue, ok, bah allez chez elle, et on remballe tout le monde, terminé. Et on va faire le nécessaire pour retrouver les clés. Je vais rentrer. Vous rentrez. J'en ai marre de ramasser. Monsieur, vous rentrez avec elle. Allez-y. Par contre, madame. Mais toi, quand tu pourras te. Madame, vous continuez. Par contre, vous continuez à faire du scandale ainsi. Je vous mets en cellule pour ivresse publique. C'est le cadeau de la soirée. La cellule. D'accord? Insolente. C'est plus possible, Maëva. Nous allons reprendre. Les répétitions. Oh non, non, non, non. On écoute. Je le ferai pas. Jeanne, pose ton verre. Pose ton verre et surtout, ne le remplis pas. Maëva. Non. On répète. Non. Allez, Baptiste va le faire. Ah, vas-y. Vous aussi, il faut que je le dise? Oui, vas-y, tu, la phrase. Alors, pose ton verre et ne le remplis pas. Oui, ça commence par jeune. Jeune. Parce que c'est la jeunesse, Maëva, malgré les apparences. Non, rigole, ça va. Allez, on se reconcentre. Jeune, pose ton verre et surtout, ne le remplis pas. T'as vu ma tronche? Vas-y. Ah, jeune, pose ton verre et surtout, ne le remplis pas. Il manque un bout. J'ai plus. T'as vu ma tronche? T'as vu, merci. T'as vu la tronche de la gonzesse? Jeune, pose ton verre. Jeune, pose ton verre. Maëva, franchement, c'est pas un bel exemple que tu donnes aux auditrices et aux auditeurs. Nous, on comptait sur toi pour vraiment porter le message. Essayer d'instruire, faire de la prévention. Baptiste, il y arrive en deux secondes et toi... Oh. Mais c'est pas juste parce que tu me le fais répéter à chaque fois et je mérite pas de... Jeune, pose ton verre et surtout, ne le remplis pas. T'as vu ma tronche? Jeune, pose ton verre et surtout, ne le remplis pas. T'as vu ma tronche? C'est Jadoul. En podcast. J'espère vous profiter de ce soleil de ce mercredi. De ce mercredi 22 juin. Ouais. Grand jour. Grand jour. Ah oui, pas qu'un peu. Bah le 22 juin, ça vous dit rien? Non. Bah, c'est l'anniversaire de Papy Jadoul. Oh, bon anniversaire. Ouais. Quel âge il a? Baptiste, quel âge a Papy Jadoul? 37. Oui, à peu près. Allez, un congénère. 80. Vous êtes dans la même tranche d'âge, non? Mon grand-père a 89 ans. Ah ouais, quand même. C'est respectable. Ah, c'est vrai. Wow. Ouais, 89. Ouais. Il est né en 35, c'est fou. Hein, il a la même forme que toi. Je veux dire, bonne ambi, quoi, je veux dire, en forme, quoi. Il est bon pied, bon oeil. Ok. Est-ce que lui aussi, il appelle pour qu'on aille le chercher quand il pleut? Non, je ne fais ça qu'avec toi. Et c'était d'ailleurs un prétexte pour te draguer, mais ça n'a pas marché. Par contre, tu nous confirmes bien qu'on est bien en mai, pas en juin. Oui, j'ai dit juin. Oui, tu as dit juin. Moi, j'ai dit des choses, moi, tu sais. Moi, j'ai dit qu'on continue une saison de plus. C'est aujourd'hui. Oui. Bon anniversaire, Papy Jadoul. Bon anniversaire. Oui, c'est aujourd'hui. Bon anniversaire. Ah, et non, il peut pas répondre. il a Arlon, hein, du coup. Bon, ouais. Dans un instant, la question, Maëva, on va réfléchir là-dessus. C'est pourquoi le personnage Mario porte une moustache? Oui, il y a une raison, je vous promets, il y a une raison. Une moustache. Ah, je sais, je sais. Sous le nez. Il postionne beaucoup et donc il faut un filtre, non? Bah, tu devrais en mettre une. Oui, c'est ce qu'on appelle le filtre à... À postillon. À non, Mario. À pâte alphabet, quand tu bois à une soupe. Ah ouais. Ah oui. T'as toutes les petites pâtes qui restent. C'est génial. Ça donne un peu envie de lécher comme ça. Pas beau. Enfin. C'est le seul à avoir une moustache. On coupe ça, on isolera. On isolera le micro. Merci de nous avoir choisi. Allez, pourquoi est-ce que la moustache de Mario se trouve dans les quoi? Non, dans les soupes. Bon, je sais plus. Bref, on va se poser les questions dans un instant. Il y aura aussi plein de belles choses. Pour ça, il faut juste pas débrancher la radio. Restez avec nous. c'est Jadoul. En podcast. Bienvenue, merci de nous avoir choisis. Alors, est-ce que vous savez quel est le film qui a été le plus diffusé de tous les temps à la télévision? Titanic? Non, Maëva. La Grande Vadrouille. Bah bravo, bravo. C'est ça? Non. Oh, flûte. Antoine. Un des films de la 7ème compagnie. Sinon, ça va toi? Non. Non, Baptiste. La Soupe aux Choux. Non. Mais presque. Et toi, Jadoul? Ah, mais mince, ça la réponse. Mais j'ai les réponses. Hein, je fais jouer. Bah, c'est fini ou on fait un tour? Allez, ouais, si tu veux. Kix. Les Grandes Vacances, on l'a pas dit ça. De... Non, on l'a pas dit. De Pierre Richard. Ça existe. Les Grandes Vacances avec Louis de Funès? Oui. Ah, ouais, oh, oui, j'adore ce film. Ah, bah voilà. Tu vois, ça existe. Ah, ça y est, tu ne savais pas. Alors Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Oui. Ah. C'est vrai? Je l'ai regardé dans la semaine. Ah, c'est un de mes films préférés, quand ça passe, je ne l'oublie jamais. Astérix et Cléopâtre, 58 diffusions, 1968. Il arrive en 5, dans le classement. 1968. Ça, c'est pas possible. La version Astérix et Cléopâtre. Bah oui, mais il y en a un nouveau aussi avec Cléopâtre. Mais moi, je parlais pas de celui-là. Bah, moi non plus. Bon, en vrai, Astérix occupe la 3ème place, les 12 travaux d'Astérix. Ok. 60 diffusions. Astérix et la surprise de César, 58 diffusions en 4. Astérix et Cléopâtre en 5. Chez les Bretons en 7. Le Gaulois en 10. Le coup du menhir en 14. Et les Indiens en 15. Oui, Astérix, il est bien dedans. Ouais. Voilà. Les Bronzés. Antoine nous dit les Bronzés. Bien. Eh bien, on a les Sous-doués qui arrivent en 16. Oui, c'est pas loin. C'est pas mal non plus. Pas loin. Les Sous-doués. Une idée, Baptiste, qui a vu sur mon écran. Bienvenue chez HT. J'ai pas regardé. Il y est pas? Non, bravo pour ton honnêteté. En 1, on a Delphine 1, Yvan 0, 70 diffusions. C'est quoi ça? Alors, Yvan, c'est un film. C'est un film des années 90. Et il passe tout le temps la nuit. Il passe tellement la nuit qu'il est en numéro 1 des films les plus diffusés à la télé. Ouais, c'est un film de cul. Ouais. Ouais, moi, j'allais le dire un peu plus délicatement. Oui. Mais dites-vous qu'il est le plus diffusé à la télé depuis 57. Mais est-ce que c'est un film olé olé? Non. Ah, merde. Qui, où et les bêtes sauvages, un film de 2004 arrive en 2 avec 69 diffusions. En vrai, ça fait flipper, Kirikou. Donc Astérix en 3, je vous l'avais dit, les 12 travaux d'Astérix. Et puis un peu plus bas, on a 2h moins le quart avant Jésus-Christ, Coluche, okay. En 6. Ok. Scoot toujours en 8, Kirikou et la sorcière en 9, 10. Gros succès, Astérix. Kirikou. Ouais. Tintin et le lac aux requins, en 55 diffusions, ils arrivent en 11. Après, on s'étonne qu'on regarde pas beaucoup la télé, mais ouais. On peut pas revenir sur la Soupe aux Choux. Mais c'est fou parce que par exemple, Le Grand Restaurant, moi je dirais que ça passe à fond. Ça c'est... Oui, ça oui. Grand Restaurant en 20, 50 diffusions depuis 1957 sur la télé française. C'est fou, hein. C'est la base. Ce classement a été fait donc par l'organisme officiel, l'Arcom. Et voilà, je trouvais ça sympa de se le partager. Je trouve ça cool. Dans un instant, on saura enfin pourquoi est-ce que la moustache de pourquoi il a une Mario. Moustache, Mario. Pourquoi tu ris, Kix? Rien, je voyais vers. T'as cru que j'allais dire quoi? Une bêtise. Non. Continuons. Non. Ah oui, tout ça parce que Mario même lettre que Maëva. Mais je t'ai vu venir, Jadoul. Mais enfin, t'as vu, c'est Kix qui est méchant pour une fois. Ah non. Il a bon dos, le Kix. Hein. Bref. Baptiste qui a de la moustache, il peut pas nous dire un mot sur Mario? Comment ça, un mot? Bah, pourquoi est-ce qu'il a de la moustache? Peut-être pour cacher son homosexualité. Je dis pas ça parce que j'ai une moustache, hein, c'est rien. Bon bah il y a des révélations. Là. Voilà, écoute, j'en profite pour faire mon coming out. Maman, si tu m'écoutes. Non, c'est surtout chérie si elle m'écoute. Voilà, c'est bien, c'était la Pride ce week-end. Si on peut se prendre un truc au CSA aujourd'hui, c'est vraiment. On va se parler. Oui, bah voilà. On va lancer une pub et on va discuter. Ouais, merci, à tout de suite. La page réclame qui va suivre vous est offerte par Radio Falminioul. L'équitation, le sport équestre vous inspire? Bienvenue à l'écurie Héliotador à Ornu, un centre équestre doté d'une grande infrastructure moderne et bien aménagée, avec deux pistes intérieures et une vaste piste extérieure. Une cinquantaine de chevaux sont omniprésents. Un nettoyage extérieur de qualité de temps à autre est utile pour protéger son lustre, sans oublier un nettoyage intérieur approfondi réalisé par un véritable professionnel. Encadrement et formation complète avec une coach passionnée pour apprendre aux enfants, mais aussi aux adultes, de prolonger au fil du temps l'aspect neuf intérieur et extérieur du cheval. L'écurie Elliott Adore, c'est un endroit de rêve avec de nombreuses spécialités homemade. Pour accompagner vos menus, boissons diverses et vins sélectionnés pour un accord œnologique parfait. Des jumpings sont organisés de temps à autre. Le service, effectué par la patronne, est attentionné et discret. L'écurie Elliott Adore titille agréablement vos papilles. Du mardi au jeudi de 9h à 19h, le vendredi et le samedi de 9h à 20h. Téléphone 0 473 680 509 24 37 83. Visible sur Facebook, les écuries by Gio Trattoria Osteria. La publicité que vous venez d'entendre aidera Radio Falminioul à payer le courant. Merci. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jadoul. En podcast. Et bien voilà. Merci Simone. Pourquoi le personnage Mario porte une moustache ? Alors comme dirait Baptiste, non, d'accord. Pour cacher un bec de lièvre, une cicatrice, ouais. Ouais. Non. Je dirais une cicatrice, moi. Une cicatrice, mais c'est un personnage qu'on a dessiné, Jadoul. Bah oui, mais peut-être que. Kix, une idée ? Bah moi, je pensais oui à la même chose. J'ai dit un bec de lièvre, c'est pas une cicatrice. Mais... Baptiste, une idée ? Oui, enfin moi j'avais mon idée de base, mais. Une autre idée. Une autre idée, non, pas tellement, je ne sais pas tellement. Antoine ? Je sais pas, parce que le bas de la moustache, ça fait des M comme Mario. Pas du tout. Bien essayé. Mais c'est malin, il est malin. Ouais, il y avait ça m'arrive de temps en temps, petite fulgurance. Kix, peut-être pour faire comme s'il était adulte, que s'il n'avait pas la moustache, ça faisait enfant vu qu'il est petit, alors qu'il a 7 Désolé. Ans. Désolé. Bah, peut-être. Désolé. Sauf qu'au dimanche des champis. Bon, on n'a pas d'idée. Je donne la réponse. Bah, vas-y. Attends, je... Ces créateurs l'ont fait en fait parce qu'ils n'arrivaient pas à dessiner sa bouche. Parce qu'il faut se dire qu'il a été, enfin, il est venu la première fois en 1981 dans le jeu Donkey Kong. Et en fait, c'était en 16 pixels sur 16 pixels. Et donc faire un nez, surtout qu'il avait une grosse tête pour être un peu comique, et faire un nez plus une bouche, ben, c'était pas possible. Donc ils se sont dit, on va foutre une grosse moustache, pareil pour les cheveux. On voyait pas bien ses cheveux. Et donc du coup, on lui a mis une casquette. Et c'est donc de là qu'est né. It's me, Mario. Mario. Wow. Wow. Bravo. Voilà. Merci Maëva. C'était intéressant, hein, voilà. Mais il faut surtout le retenir. Oui. Ouais, c'est ça. Mais c'est le problème de la séquence en règle générale, c'est que sur le moment c'est intéressant et le retenir. Après. Est-ce qu'on connaît son âge en fait à Mario ? Ouais. Mais s'il était fait en 1981, je suis très nulle en maths, donc je vous en prie, calculez. Antoine. Bah, oh, comment je suis très nul en maths. Bah, 43 ans, ouais. 43 ans ? Il a 43 ans, Mario. T'as toujours eu 43 ans. Bah non. 43 ans, ouais. C'est la carte. Et j'ai une photo de lui sans moustache. Ça intéresse personne, super. Mais si, montre. Qu'est-ce que ça donne ? Mais ça il a une bouche alors. Ah mince, bah, l'image est partie, attendez. Oh là, mais la bouche a été remise plusieurs années plus tard, je pense, que j'avais lu. Oh non, là, ça fait peur. Voilà, voilà. Ah oui, mais on dirait le logo de King Jouet ou Haribo. Ouais, mais ça fait plus enfantin. Oui, c'est vrai. Alors qu'avec la moustache, c'est con, hein, mais il répare la plomberie. Ouais. On le sait. Là, on sait qu'il est plombier. Alors s'il faisait la même à l'arrêt. Pardon. Non, ça va. Merci, Kix. Merci. Jadoul. Bah, tu sens bien, Luce, quand tu t'y mets. Oui, hein, quand j'ai ma voix qui revient, pas de soucis. Ouais. Comme chaque semaine, c'est l'heure du Végastral. Notre voyant Dominique Vegas est avec nous. Bonsoir. Jadoul. Vous me coupez déjà la parole, première intervention Bah bien sûr, je suis la star des astres et le désastre des voyants. J'avais prédit ce que vous alliez dire. Cela fait partie de mes nombreuses qualités. Oui. Eh bien, prédisez d'abord peut-être l'horoscope, hein. Le signe du jour, ce sera déjà un bon début. Bien. Si je vous parle du septième signe du zodiaque. Les scorpions ? Eh bien oui, ce sont les balances qui se font le plus ressentir par mes cartes cette semaine. Eh bien, parfait. Je vous propose qu'on écoute vos prévisions pour les balances. Allez-y. Des soucis familiaux vous rendent un peu agressif. Pourtant, si vous parvenez à faire la part des choses et à relativiser, vous réussirez à les résoudre. Le conseil en plus pour les balances cette semaine, s'il vous plaît, Dominique. Ah oui. La vie est trop courte. Décidez une fois pour toutes de voir le bon côté des choses. Et par pitié, hydratez votre peau, s'il vous plaît. Allez, ça commence à me saouler. C'est quoi la notif qu'on entend depuis tout à l'heure, là? Oh, ça doit être moi. Je me suis inscrit sur quelques applications de rencontres ces derniers jours. Bah, ça cartonne avec Domi, on dirait, hein. Oui, ça va. Bon, je vais de ce pas mettre mon portable en silencieux. Voilà. C'est fait, Zadoul. Voilà. Merci, Dominique. Nous vous proposons donc de... C'est une blague. Mais je ne comprends pas. Il est en silencieux. Ah, c'est de là que ça vient. C'est Maëva. Bah oui, évidemment, j'aurais dû mettre ma poitrine en valeur sur les photos de profil. Bon, ça le serait pour la prochaine fois, mais rassure-toi, ce n'est pas tes tatouages carambars, ma série. Il en restera pour toi, soupinette. Oh, non. Quelle équipe de braquettes. Merci, Dominique, et je vous dis à bientôt. Hein. Au revoir, soleil. Bonsoir, la lune. Voilà, Grinder, ça c'est pour moi par contre. Le personnel médical qui encadre les gens de cette émission vous informe que l'état des patients n'a pas évolué. Hey, les médecins démissionnent. Non, non, on veut pas. Ces fous sont libérés 2 heures en podcast. Ce n'est pas acceptable. Jadoul et son équipe. Les gens se jettent dessus. Tous les mercredis. Ok, let's go. Combini. Concept simple, on pique une interview du média Combini, on n'en garde que les réponses des intervenants et on essaye d'être plus drôle avec des questions bien formulées qui ne font pas atteinte à la dignité humaine, qui ne font pas des références sur les gens de l'émission et qui parlent à tout le monde. Donc celle-là, je supprime. Fallait peut-être le dire avant. Mais non, ça vous le savez, ça fait 2 ans. Ah, mince. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Notre invité, c'est bon, j'ai retrouvé mes jeunes. Notre invité, il a plein d'ABC. j'ai retrouvé, c'est bon. Notre invité du jour est une chanceuse, voici c'est l'une de ses chansons. Je sais pas si c'est toi qui t'enfuis ou si c'est moi qui m'échappe. Je sais pas si c'est toi qui t'enfuis ou si c'est moi qui m'échappe. Qui s'échappe, je sais pas si. Un avis à chaud, Maëva? Non. Non, la vraie question, c'est qui est cette chanteuse qui fait un ABC. Banana. Bonjour, je m'appelle Bonnie Banane. Bonnie Banane. Voilà. Bienvenue dans cette émission. Tu es content d'être parmi nous? La la li, la la la la la li, la la la. Oula, je vais prendre ça pour un oui. Oui. Bon, bah, si tout le monde est prêt, nous pouvons passer à l'interview combinée. Ensuite, je voudrais mettre Lerita Mitsuko. Ça va être compliqué. On a pas prévu ça pour la suite. Une autre de tes chansons peut-être. On y va. On démarre avec la première manche. On va faire dans l'ordre de la table. Kix, non, Baptiste. Mais Bonnie Banana, je me demandais, j'avais lu dans un article que tu avais la fâcheuse tendance de taper la tête très fort contre un mur. Pourquoi cette pratique bizarre? Pour m'endormir. Ah. Ok. Pas mal. Pas mal. On y va, Antoine. Pourquoi est-ce que je compte le nombre d'épisodes des Feux de l'amour? Pour m'endormir. C'est vrai que c'est mieux que les moutons. Allez, va. Tu regardes du porno, toi? Pour m'endormir. Ok. C'est super. Oui, pour toi, c'est la routine. Mais non, t'endors devant. Mais non, c'est pas moi, c'est Bonnie. C'est encore le moment où le plombier va servir de son tuyau pour... Mario, oui. Mario, voilà. Ah, la moustache, ça fait balayage. Bon, allez, on y va. Sais-tu pourquoi je te conseille de regarder Vivement Dimanche tous les soirs? Pour m'endormir. Arrête, on s'endort devant Vivement Dimanche. Pas c'est l'anniversaire de mon grand-père. On respecte ses programmes. Mais c'est pas Michel Drucker, qui touche. Coup de pelle. Tu réponds encore? J'ai juste rigolé. Tu bouges. Ça va aller, Kiss. Allez, encore un peu de Bonnie Banane. J'ai tendance à tout mélanger. Ah, j'ai l'impression d'être en down. Baptiste, deuxième question. Oui, depuis quand t'as retiré ton permis? La la li, la la la. Oh, pardon. Vas-y, refais-la. Ah, non. Oui, depuis quand t'as retiré ton permis? Et depuis, je m'arrête pas. Ah merde, j'ai mal lu la question. Il nous a fait une kicks. Yes. Mais prépare quelque chose et puis c'était pas ça le truc qui devait sortir. Bon, ça, ça marche pas du tout du coup. C'est pas grave. Ah oui, t'as fait une kicks donc tu prends un coup. Hein. Ouais. On l'isole aussi, ça. La partout continue avec Antoine. Allez, quand tu ouvres un paquet de chips, c'est que tu prends le premier qui te vient. Et depuis, je m'arrête pas. Ah, c'est ouais. Ça, c'est un vrai problème. C'est, vrai, ouais. Ouais. C'est l'addiction, ça. Je sais pas ce qu'ils foutent dedans, mais tu t'en bouffes trois paquets après. Hein. Mais va. Un jour, j'ai grillé un feu orange. Et depuis, je m'arrête pas. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. On dit que des vérités ici. Oui, oui, là, ouais, okay. Pour le coup, c'est vraiment, c'est que du vrai. Hein. Kix, Macron a dit qu'il fallait traverser la route pour trouver un emploi. Et depuis, je m'arrête pas. La rue, la route, c'est dangereux. Oui, mais ça paraissait plus drôle de dire la route. Bon, t'as de la chance que Baptiste ait le coup de combiné. Que Baptiste n'est pas mieux. Merci Baptiste, merci d'être là. Et Baptiste va se rattraper sur la dernière question. Oui, je suis seul ce soir, t'es chaud, passer boire un verre? C'est impossible. Le râteau est fait. Bon, voilà. Je pense que la réponse était l'équivalent de... Voilà. Antoine. Me faire manger du poisson. C'est impossible. Oh, c'est vrai. Tout poisson? Tout poisson. Et les crevettes aussi, sur le crustacé. Ah oui, non. Oh. Tout ce qui vient de la mer, non. Oh là là. Sauf les huîtres, étonnamment. Mais Antoine. Sous l'océan. Rien. Ouais, ben ça reste dans l'océan, point. D'accord, ok, d'accord, bon. Enfin, un fichtique, non. Mais c'est même pas du poisson. Ça. Mais si, ça c'est pour moi le seul vrai poisson qui existe. Oh. Allez, Maëva, en parlant de la troisième question. Une chanson de rap où on comprend tout ce qu'il raconte. La la la la la. C'est impossible. Ouais, on est d'accord. T'as bien raison. Kix. Avec tous ces implants, voir Maëva Ganam au fond d'une piscine. C'est impossible. Oh, j'ai eu peur. Avec tout ce qu'on lui a mis dans la gueule depuis le début de l'émission, si on peut laisser respirer Maëva, s'il vous plaît. Surtout que c'est pas avec le salaire que j'ai ici que je pourrais me payer des implants. Oh, oh, oh. Non, mais ça va ici. Oh, j'ai compris. Encore un peu de Bonnie Banane. Franchement, c'est décevant quand je vois le nombre de gens. Les humains prolifèrent. Y'a trop de monde sur terre. Y'a tellement de voitures, de mauvaise nourriture. Je préfère être seul. Au secours! L'actu connecté. Et les dernières tendances. C'est avec Jadoul. En podcast. Et Maëva nous déballe son hockey boomer. J'ai eu un peu peur quand t'as dit nous déballe, je savais pas quoi. Pas le genre de la maison. Ah non. Non, alors là. Non, mais d'accord. Donc je vous fais deviner trois infos et je vous l'explique après. La première, Word a enfin intégré une fonctionnalité. Attendez, il y a un de ces bruits. Hein, oui, mais. C'est quoi? Qui fait du bruit? C'est toi qui grince. Y'a quelqu'un? Qui grince? Les voisins? On se calme, hein? Bon, c'est bon, ça va. Ça fait pas de bruit. On y va? Oui, je vous ai défini la première info. Ah oui, pardon. Oh, bah oui, tu... Ça va, t'es prêt? Je peux? Parce que j'ai l'air un peu de t'embêter, j'oserais pas. Je ne te cache pas que oui. C'est pas grave, je vais jouer avec les autres. Hein. Donc Word a enfin intégré une fonctionnalité qu'on attendait tous, laquelle? Le correcteur automatique qui change les ta en ya. Et quand t'écris un message, je fais ta et ça met ya. Mais non, c'est sur le téléphone, pas sur Word. Bah peut-être, hein, qui sait. Non, ça s'appelle la dyslexie. Mauvaise foi. Jadoul, une idée? Je dirais, c'est la mode, une IA qui écrit à notre place. Non. Ok. Baptiste. Peut-être que les sources se mettent automatiquement. C'est mon rêve. Mais ça, c'est mon rêve aussi, clairement. Je crois que c'est le rêve de tous les étudiants. Antoine, une... Moi, j'avais pensé au retour. Il y avait un petit personnage avant dans Word avec un petit trombone. Oh, Clippy. Clippy. C'est le retour de Clippy. Clippy. Je connais pas Clippy. Tu connais pas Clippy? Qui est Clippy? Qu'est-ce qu'il fait? Je vais faire une recherche de type internet. De type internet, Clippy. Lance Clippy. Internet Explorer. Non, mais Clippy, c'est pas ça là, c'est pas ça, c'est pas Clippy. Oh. Clippy personnage. On va la réponse. Ah, c'est ça? C'est oui. Un trombone? Oui, c'est un trombone magique. Voilà. Ok, mais c'est pas ça, c'est une mise à jour du copier-coller. Oui, parce que vous savez, quand on copie-colle du texte et qui vient d'un site d'internet ou alors d'une autre application, ouais. Ben ça fout un bordel monumental. Et la mise en page des polices devient différente, ouais. Les tailles, ouais. Etc. Et ben grâce à cette mise à jour, c'est fini. Quand on va coller du texte, et ben ça adaptera automatiquement le texte. Donc, il sera joli, normal. Quoi. Oui, exactement. Et, alors, et si, le gras restera gras. Exactement. Et si par exemple la couleur, la police, Word ne l'a pas, ben, il essaiera de mettre ce qui lui ressemble le plus pour que ça reste un maximum uniforme. Voilà. Wow. C'est bien pour tous les étudiants. Moi, je suis triste qu'ils n'aient pas fait ça avant. Oui, mais il était temps. Quoi. Bon, merci. Enfin, une mise à jour dans Word. C'est après 10 ans d'études qu'ils se sont dit tiens, elle a fini, on va peut-être. Non, je pense que c'est quelqu'un chez Microsoft qui a fait. Tiens, qu'est-ce que. Word ? Oh putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de mise à jour là-dessus. Qu'est-ce qu'on fait ? Nouvelle interface ? Non, on a déjà tout fait. Bon, allez, on va arrêter de les faire chier avec ça. Allez, on va corriger ce bug-là. Allez, c'est bon, on y va. Ok. Deuxième info, quel est le point commun entre Scarlett Johansson et ChatGPT 4.0, enfin version 4.0, ouais, 4.0. Jadoul, du coup, une idée ? Moi, je dirais que entre Scarlett Johansson et le ChatGPT, le point commun, c'est qu'ils sont nymphomanes. Ouais, pourquoi tu dis ça de Scarlett ? J'en sais rien. Le flair. Kix, une idée ? Bah, peut-être que des gens leur racontent leur vie privée, un peu comme chez les psys. Peut-être qu'il y en a qui racontent leur vie privée, que ce soit à Scarlett ou à ChatGPT. Ah, je ne suis pas la seule à faire ça. Non, mais moi, je ne le fais pas. Hein, mais... Pas à Scarlett. Ah, si, j'ai déjà fait. Quoi ? Mais parfois, je raconte un peu ma vie à ChatGPT, c'est marrant. Hein. Vous l'insultez des fois aussi, pour voir si... Oui. Non, moi, je suis toujours gentille, parce que le jour où il va diriger le monde, il saura que moi, je suis une amie. Baptiste, une idée ? Ah, Maëva, je pense que tu n'auras plus que ChatGPT pour parler. T'as une petite notif Tinder, là. Arrête, c'est pas vrai. Moi, j'ai mis leur capacité à satisfaire les gens rapidement. Tu parlais d'un point de vue cinématographique, oui, bien sûr. Pour Scarlett. Ouais, okay. Non, c'est pas ça. Antoine, une idée ? Moi, j'ai une petite idée sur la question. Il y a eu une bisbouille autour de la voix. Exactement. La voix de Scarlett Johansson. Exactement. Le patron de l'IA aurait proposé l'année dernière à Scarlett d'être la voix officielle de ChatGPT parce qu'elle avait une voix rassurante, etc. Elle a dit oui ? Elle a dit non. Et donc, du coup... Scarlett Johansson, qu'on connaît notamment pour Black Widow, elle a dit non. Et comme par hasard, là récemment, il y a une nouvelle voix qui s'appelle Sky de ChatGPT qui est sortie. Et c'est exactement la même. Les proches de Scarlett Johansson n'arrivaient pas à différencier. Et donc Scarlett a dit, tu te fous de moi, je t'ai dit non. Et donc t'as essayé de le faire toi-même. Et voilà, ChatGPT s'est excusé. Le jour et... où tu claques la porte d'ici, nous on a une Maëvaïa. Yeah, ouais. Eh bien, comme Scarlett Johansson, je vais prendre des avocats. Non, mais elle veut vraiment prendre des avocats. Et pas juste pour ça, elle voudrait vraiment qu'il y ait une législation par rapport à ses droits, par rapport aux voix. Parce que c'est quand même assez important. Il y a plein de deepfakes avec la voix. C'est vrai. Et ceci dit, on va faire une petite parenthèse. Mais vraiment, premier degré. OK. Et je vous invite à aller découvrir sur Touche pas à ma VF. C'est un compte Instagram qui vient d'être lancé par tous les comédiens, les gens qui font les versions françaises de tous les programmes, les séries que vous regardez. Et c'est un vrai truc à partager parce qu'en fait, Brigitte Lecordier qui fait la voix allez, le petit gamin là, des animés. Là, Ah, Naruto. Kirikou. Naruto, non ? Dragon Ball. Oui, Dragon Ball. Voilà. C'est une fille. Oui, c'est ça, Brigitte Lecordier. Ah oui, t'as dit Brit. Ah oui, j'ai compris Brigitte aussi. Moi, Brigitte Lecordier. Et donc, elle a initié ce mouvement et tous ses copains comédiens l'ont suivi. Ils ont tourné une belle vidéo qui explique comme quoi leur métier est en danger parce que des IA peuvent faire leur taf. Des gens vivent du doublage des séries anglaises en français. Et c'est une loi qu'il faut faire passer pour protéger ces voix-là. Et ça nous concerne, nous aussi, en radio. Parce que le jour où les radios auront plus assez de thunes que pour payer les animateurs, comme ici, vont mettre des IA à la place de prendre des gens humains, bah nous, on n'aura plus de taf. Et donc, c'est compliqué. Il faut que la loi nous protège ça. Il faut que la voix soit protégée également par la loi. Donc, partagez, c'est une vidéo Insta. Allez-y, ça touche pas à ma VF, allez voir ça, et ça vaut le coup, franchement ça vaut le coup. Troisième et dernière info d'Hockey Boomer. Pourquoi Eva Longoria fait autant parler ? Pas parce qu'elle est absolument sexy, non, parce qu'elle s'est rendue compte que le nom de la série Desperate Housewives, l'endroit où ils vivent, Wisteria Lane. Wisteria Lane, c'est le nom d'un kit de couture. C'est vrai ? C'est une vraie info ça ? Non, mais ah, oui, non, bah, Wisteria Lane. T'as envie de tricoter de la laine ? Non, c'est pas ça. Kix, une idée ? Elle a une longue gorge. Eva Longoria. Oh putain, c'est bon. Vous voulez pas essayer d'être sérieux, Baptiste ? C'est pas là que j'ai trouvé du sérieux. Non, mais si, peut-être. Alors, est-ce que c'est parce qu'elle a des problèmes de cul On le connaît, Baptiste, maintenant. Le Bataille, oui, c'est son petit surnom de d'être humain. Non, peut-être simplement là, ce... qu'elle a peut-être gagné un prix. Pas du tout. Non. Antoine. Là, ils se présentent à des élections. Pardon. Tu nous as fait le François de Brigode. Hein. Pas du tout. Mais en fait, c'était au Festival de Cannes. Eva Longoria, qui est une grande habituée du festival, qu'elle a depuis la semaine dernière, eh ben, elle a fait une confidence quant à la série qui l'a fait connaître avec, enfin, Desperate Housewives. Tu connais, toi, en plus. J'adore. Moi, là, je suis à la dernière saison. Là, je me la suis refaite en entier. Et elle joue le rôle de. Bah de Gabi. Gabrielle Solis, ouais, c'est ma préférée, moi. Ouais. Et donc, elle a, accrochez-vous, elle a annoncé que bah, ça va faire 20 ans qu'elle est sortie, la série. Et donc, il y aura peut-être éventuellement une réunification. Voilà, la salle spéciale, l'affaire spéciale à suivre. Quoi ? Et surtout, un épisode peut-être qu'ils vont tourner en plus. Bah, c'est ça, une réunification. Non, une réunification, tu peux aller bouffer tous ensemble. Bah, ils le font tous les samedis si ça tombe. Non, mais à l'église, Friends, c'était... elles ne se sont pas revues. Mais ce sera pas un épisode, à mon avis. Moi, j'ai pas envie d'y croire parce qu'ils ont... ils nous ont fait le coup avec Friends. C'était nul. Ils nous ont fait le coup avec Harry Potter. C'était nul. Mais Friends, ils ont quand même fait quelque chose. Mais oui, mais c'est pas un épisode, c'est juste une réunion. On regarde les moments et on rigole, génial. Oui, mais ils ont tourné un truc. Oui. C'est pas une réunion, on va bouffer et personne n'en sait rien un jour. Mais oui. On ne rigole pas avec Desperate Housewives. Bah, et Harry Potter ont fait la même chose aussi. On s'en branle. Allez. On croise les doigts. Allez, on croise les doigts pour Desperate. On est les deux seuls à aimer cette série. Hein, bah oui. Oui, oui. Je suis désolé, oui, oui. Je ne suis pas partisan. Moi, c'est Columbo. Mais du coup, c'est laquelle toi t'as préférée? Dans les filles? Ouais. J'aime bien le côté psychopathe dans lequel je me reconnais beaucoup chez Brie. J'aime bien aussi. Ouais, ouais. Le côté, tu sais, psycho-rigide. Super. C'est vrai que. Oh, donc, tu dis, il y a des airs. Dévergondé. Mais digne. Oui. Alcoolique aussi? Oui, aussi. Bébé, s'il te plaît, c'est l'heure du festival. Vous allez jouer en trois manches. Kix va vous faire deviner des stars avec l'aide de trois indices sonores pour chacune de ses personnalités. Dans ceux-ci, ça peut être un bruitage, un extrait d'interview, ça peut paraître bizarre. Une musique, en clair ou en distordu. Soyez vigilants. Durant une même manche, ces trois sons peuvent former un rébus ou alors être tout à fait explicites. Réfléchissez à voix haute. Mais si vous pensez avoir la réponse, appuyez sur votre buzzer. Bonne partie. Et que le meilleur gagne. C'est l'heure du festin, à table festin. Tout le monde est OK? Tout le monde a son petit buzzer. Okay. Allez, attends, test de buzzer. Attendez, ouais, on va tester parce que j'ai pas ouvert celui de l'équipe. Attendez, chacun votre tour. Tu vas nous faire à chaque fois? Ah oui. J'adore. Ah. Non, moi d'abord. Ouais. Elle est pressée, la goulue. Ouais. La goulue. Tu vas. Il est sorti tellement. Baptiste. Baptiste. Waouh. Ouais, le style. C'est viril. Le style est beaucoup plus viril. C'est le contraste qu'il y a entre l'équipe et lui. C'est la moustache. C'est. Ouais. Baptiste. Ah ouais, et pareil. Avec un buzzer comme ça, il faut gagner. Et attendez, on teste celui d'Antoine. Pardon? Hein? Non, attends, remettez-le. Bah, c'est... Derek. Derek. Ah, Derek. Ah, bah super. Mais non, Antoine, voilà, c'est bon. C'est bon, tout le monde est prêt, je pense. Vas-y, Kix, mène ta barque. Première personnalité à deviner. Première manche, donc. Voici le premier extrait. Oui, Baptiste. Loris. C'est une très bonne réponse. C'est quoi Loris? Le youtubeur qui fait des... C'est qui Loris? Des vidéos. Oui, qui interview des gens avec des lunettes. Ça tu reconnais peut-être. J'ai regardé Extraordinaire. Tini Hugo Loris. Ça c'est le texte pour le prénom. Et ça. J'enlève la bonnette. Je remets la bonnette. Freestyle. Ah oui, la bonnette verte. Si oui, l'ancien stagiaire de oui, oui. Oui, c'est ça. Voilà, Loris Guiliano. Voilà, je savais pas si je pouvais le dire, mais. Voilà. Je me sens vieille. L'ancien stagiaire de quoi? Loris, c'est juste un mec qui a fait des. On s'écoute ici. Non, mais Loris, c'est juste un mec qui a fait des stages en radio, et puis il a pas personne dans la radio, et puis il a lancé sa chaîne YouTube. On s'est tous foutu de sa gueule dans le milieu des médias en mode. Ah, il lance un média. Et puis ça marche. Donc voilà. Il est très très bien. Il a fait Pierre Ninet dans sa dernière vidéo, par exemple. Donc. Ouais. Oui. Ah incroyable. Oui, il est pas mal. La chance. Oui, ah, mais avec une équipe de tournage. Donc pour vous dire, ça a coûté de l'oseille et la vidéo, elle a bien tourné. Hein, donc il fait des projets de fou. Hein. Ouais, donc voilà, ça fait un point pour Baptiste. Félicitations. Deuxième personnalité à deviner. Voici le premier indice. En parlant de mélange bizarre, Seigneur, je pensais à faire un Saint-Boule. J'imaginais mélanger un Saint-Bernard avec un Pitbull. Voilà. Ce qui fait que ça donnerait un chien qui t'arrache le bras mais qui va chercher les secours. D'accord. Personne? Non. Non. Deuxième indice. Moi, oui, Baptiste. Baptiste. C'est pas Artus? Bravo. C'est quoi, c'est le buzzer? Je veux un buzzer de bâtard aussi. Baptiste. Pardon. Vous voulez les autres extraits ou pas directement? Ou c'est direct moi qui note? Enfin, c'est bon, je peux gagner 3-0. Ouais, c'est vrai, on a compris. Non, non, mais vas-y, on va quand même savourer les extraits que Kix a mis 4 secondes 30 à préparer. Moi, j'embrasse quand même tous les gens, évidemment, qui n'ont pas accepté ce film, qui n'ont pas voulu le financer, qui m'ont clairement dit, voilà, non, personne n'a envie de voir 10 handicapés au cinéma. Et on les embrasse. Ok, voilà. Et il y en a 10. Ouais. Quoi, votre petit truc en plus pour vous blinder contre les angoisses? Ouais, eh ben alors, j'ai fait plein de petits trucs en plus et ça va beaucoup mieux. J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de fumer. Ah, vous êtes devenu chiant. Allez, à Salamé. Vous êtes plus angoissé, ça a tourné blindé. Oui, c'est très français, ça, de dire. Ouais, ouais, merci. Bon, on y va. Baptiste, ça fait. Oui, bah bon. 2 points pour Baptiste pour l'instant. Et qui va essayer de. Bah non, en fait, il y a quasiment plus de chance. Troisième manche, troisième personnalité, voici le premier indice. Tu peux essayer ? T'as fait un stage de visseuse cet été ou pas ? J'ai énormément vissé de sable. Concentre-toi. Le tout avec une visseuse, c'est de commencer. Jadoul. Valérie D'Amido. Ah bah c'était bien Valérie. Mais c'est pas la bonne réponse. Oh. Non. Ah oui, non, parce que là. Non, mais c'est le jeu est en train de se corser, les amis. Ah bah oui, c'est la troisième manche. Bah oui, oui, bah oui. Donc là, il y a, une autre idée derrière ça. Ouais. Réfléchissez bien au son que vous venez d'entendre. Bon, on n'a rien su entendre à cause de Jadoul. je rigole. C'est pas parce que t'as une capacité d'attention de 2 secondes et demie que tu peux pas retenir le son qui vient de passer. Tout ça parce que j'ai buzzé et que je vais te rebuzzer dans la gueule. Bon, quand vous aurez la réponse, je vous ferai écouter, bien sûr, pourquoi le premier indice, c'était comme ça. Ouais, ouais. Deuxième indice. Le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie, le soleil renaît dans ma vie. T'es un petit croco, le soleil renaît dans ma vie, y'a pas de quiproquo, le soleil renaît dans ma vie. On laisse pour le kiff, hein. Je mets le doigt dessus. Kix. Mais oui, mais attends, tu me fais ça. Bref. Non, j'ai pas fait ça. Y'a pas de kiff ici. Personne ici qui est au point, mais vraiment. Personne n'a l'indice. Bah, Valérie Elvis ou Roméo D'Amido, enfin. Bien, c'est Roméo D'Amido. Mais pensez. Bref. Alors, oui, bon, vas-y, allez, joue. Allez, troisième indice. Well, it's one for the money, two for the show. Do you get ready now? Maëva ? C'est toujours Elvis. Là. Elvis Presley. Bah oui. Tout simplement. Elvis Presley, le premier indice. Tu peux essayer ? T'as fait un stage de visseuse cet été ou pas ? J'ai énormément vissé de sable. Elvis. Bah oui, Elvis. Et l'autre, c'est. Le soleil renaît dans ma vie. Roméo Elvis. C'est impossible de trouver. Alors. Ah bah c'est pointu, hein. Si tu veux quelques petits conseils, moi j'aurais mis Roméo Elvis et puis genre une pub sur les produits laitiers. Bon, les conseils peut-être plus tard, merci. Hors antenne. Oui, bah voilà. Faites vos débriefs hors antenne. Elle me tacle. Voilà, on va tous. Bon, ça fait un point pour Maëva, bravo. Oui. Mais c'est quand même Baptiste qui gagne. Yes. C'est ta première victoire dans l'émission. C'est vrai. Comment tu te sens? Ben, je vais aller très bien et je vais la noter dans mon carnet. Et il y a quoi d'autre dans ton carnet? J'écris tout ce que je fais dans la journée, donc là je vais la mettre. C'est vrai en plus. Page vide. Eh bien c'est fabuleux. Aujourd'hui j'ai mangé un yaourt et j'ai gagné dans l'émission. Il y a des journées plus productives que d'autres. Mais... Ouais. Pourquoi, vraiment, mais c'est la question juste que je me pose comme ça entre nous, hein. Pourquoi j'attire que des gens bizarres dans mon équipe? Le gars, il note des noms de gens bizarres dans son carnet. Kix, il a son doigt sur l'écran quand il faut laisser un bon son. Maëva, elle est ce qu'elle est. Quoi? Et Antoine tourne de l'œil. Donc, je ne comprends pas. Vous voyez, c'est, la vie fait que. Tu sais ce que la vie, elle dit? Je suis impuissanté. La vie dit, on attire ce qu'on est. J'ai déjà entendu cette phrase. On doit dire qu'elle a pas tort, hein. Mais que le talent surgisse. Et bim. Allez-y. Non, t'es bizarre, Jadoul. Mais donc, t'étonnes qu'on soit bizarre. Moi, mais je suis t'es bizarre. Oui, t'es pas. Je suis bizarre. Un petit peu. D'accord. Mais on t'aime quand même. Allez. Top, j'ai compris. C'est bon. Top, je vais rentrer chez moi. Rentre chez moi. Je suis vexé, voilà. Non, reste, s'il te plaît. S'il te plaît. Voilà, on coupe l'émission, voilà. Vaut mieux être bizarre qu'être ennuyeux. Baptiste, nouvel animateur. Voilà, bienvenue dans l'émission. Non, mais c'est pas grave. Je m'en vais, monsieur. Voilà. Rentrez chez moi. Merci de ne pas applaudir. Après tout ce que j'ai donné, après tous mes efforts, tout ce que j'ai pu fournir dans le milieu de la radio, qu'est-ce que je laisse derrière moi? Que va-t-il rester? Que sera l'avenir une fois que je serai complètement parti? Ai-je vraiment laissé une empreinte de moi sur cette terre? Aurais-je un jour un enfant de Maëva? Elle est très émue. Est-ce qu'un jour, c'est les sanglots. Est-ce qu'un jour les patrons de cette radio s'intéresseront à nous? Non, ça oublie. Est-ce qu'un jour Antoine Libot ne fera pas référence à quelque chose de mort? Oui. Ou que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître? Oui, oui. Est-ce qu'un jour Kix fera une émission sans accro? Je ne sais pas. Est-ce que de toute sa carrière, qui vient à peine de débuter, Baptiste nous attirera des procès? Oh oui. C'est là-dessus que je vous propose de tirer un trait. Merci pour tout. Bonsoir Jadoul. Bonsoir. Oui, d'accord, vous prenez les rênes. Ah, il fait chaud. Oui, je confirme qu'il fait chaud. Antoine, il fait chaud? Il fait chaud, je confirme. J'ai vu que t'avais un nouveau copain. Juste derrière moi. Ah ouais. Comment il s'appelle? Batoy. Ah, oh, oh, waouh. Ça donne envie d'essayer. Tu veux bien qu'on essaye? Ah, c'est vrai que j'ai l'humeur partageuse. Parce que c'est la deuxième heure. Et on y fait quoi? On essaye le Batoy. Ah non, j'arrête tout. On avait prévu de faire de la radio. Moi, je veux pas essayer le Batoy 2000. Non. La dernière qui a voulu essayer le Batoy, il a dit... Et puis moi, je peux pas parce que... Jamais je suis une pierre palmade. Tous les mercredis, c'est la trappe. Énorme. Oh yeah. Let's go. Tous les mercredis, c'est Jadoul et toute son équipe partout en podcast. That's life. C'est un peu dur quand même. Cramou. Non, ne réglez Allez. Pas votre radio. On a c'est juste Jadoul qui s'amuse. Ouais. De... Pète un plomb. Il n'y a pas de bug, c'est normal. N'y touche pas, ni demain, ni jamais. J'ai saoulé tout le monde? Un peu. Ok, c'est bien. Mais c'est aussi pour ça qu'on t'aime. Oui, bah j'ai compris. Oui. Ouais, voilà. Vous voulez qu'on fasse les inflops? Oui. Allez, les trois infos qu'il fallait louper cette semaine. On démarre. Cinq minutes chrono. Découvert en plastique. Un kilo de magret de canard. De quoi on parle? Un restaurant? Non. Un championnat du monde. Ok. Un championnat du monde du plus gros mangeur de magret de canard. Oh. Ah. C'est mon repas préféré. C'est vrai? Premier degré, oui, j'adore ça. Avec un peu de miel. Pas bon. Voilà. Nous, tout ce qu'on peut se payer dans cette radio, c'est péniblement un verre d'eau. Donc, j'avoue, pour la bouffe, on repassera. Et quand c'est de la bouffe, c'est genre du McDo. Donc voilà. C'était, oui, donc le championnat du monde du plus gros mangeur de magret de canard qui a eu lieu hier en France, dans le Gers. 970 grammes de magret. C'est ce que Fabien, le gagnant de cette année, a réussi à ingurgiter en 5 minutes. Mais quoi ? En 5 minutes ? 5 minutes. Ne battant malheureusement le record de Bernard, qui a atteint les 1 kilo et qui a remporté 11 fois ce championnat. Ah oui, quand même. Oui. On embrasse Fabien, qui va devenir papa d'un petit canard, après avoir ingurgité tout ça. Mais vous êtes fous ! Oh oui ! Mais vous êtes fous ! Et on embrasse le vrai Fabien aussi. Privé de joke. Deuxième flop, Harry Wolfklöppen. C'est le tout premier homme du monde de l'histoire à s'être fait poser 4 implants de tétons. Donc il en a 6 au total. Il a 6 tétons sur son torse. Ça fait vache à lait. C'est très sympa. Vraiment, esthétiquement, ils sont tous alignés. Comme ça, c'est un concept. 4 implants de tétons. Mais, les chiens, même les mâles, ils en ont plusieurs. Hein. Des implants? Non, des tétons, non, c'est des mamelles, je sais pas, je me suis lancée vers un endroit, j'aurais pas dû. Franchement, pour Harry, on est impatient qu'il fasse une réduction sur les nez. Bah oui, comme ça, il pourra en mettre un sous chaque oreille. Oh. Ouais, bah après tout, lui, il voit. La vie comme une fête foraine. Pas faux. Tu voudrais quoi, toi? Open bar sur le corps humain, tu prends quoi? Pas des trucs qu'on double. Ok. Mais genre, tu referais refaire quelque chose, toi? Non. Ah, belle, comme ça. Non, les pieds. Arrête, avec tes pieds, toi. Chaque semaine, c'est les pieds. Ah, c'est fou. Non, oui, peut-être. Oui. Un truc? Non, mais arrête. T'es toute belle. Et depuis que t'as rasé ta frange, là, on voit pas ton beau front. Non, mais c'est beau. Non, c'est bien. Non, faut pas toucher à ça. Non. Antoine me regarde en mode, ne me pose pas la question. S'il te plaît, ne me pose pas la question. Ah, si, j'ai la réponse. Ah, c'est vrai? Rien. Rien, bah non, rien comme ça, très très bien. Très belle réponse. Baptiste, c'est un chantier. Moi, je me ferais une deuxième moustache, mais le long de mon. Une moustache qui fait une moustache tout le long. Comme les profs d'histoire. Une mono-moustache. Moustache qui rejoint le haut de la barbe et qui part sur les favoris. Oui. Et après, ça épouse la calvitie. Attachée aux AirPods. Et ça fait tout. Ça fait Saturne. Vous voyez, c'est magnifique. Bon, un truc à refaire, toi, Kix? Oui. Alors, on commence. Non, c'est bon, on n'a pas le temps. Troisième et dernière flop lors d'une croisière. Dans les Canaries, bon appétit si vous passez à table. L'Angleterre, ils ont une épidémie de gastro qui a circulé, des vomissements, des diarrhées. Il y en a eu sur tous les murs. 150 passagers ont dû rester confinés sur le paquebot. On compte plus de 250 contaminés sur 3000 passagers. La compagnie croisière a refusé de donner le nombre exact de malades, mais voilà, c'est l'estimation qu'ont fait les médias. Bon. Ah, c'est sympa, hein. On peut faire une conclusion. Hein. Je pense qu'ils auront passé 14 jours de merde en croisière. La vie ne fait pas de cadeaux. Tous les mercredis, c'est avec un bon morceau de gâteau. Et c'est avec Jaboul. En podcast. Et bien voilà, merci Simone. Comme chaque semaine, ils sont là, ils piquent nos émetteurs. Enfin non, on leur prête gentiment parce qu'ils n'ont pas les moyens... Enfin, là, je sais qu'ils ont remis une antenne et ils vont tester, voir si ça fonctionne. On verra. Radio Falminioul, on leur donne l'antenne. Ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais surtout, ils vont faire ce qu'ils savent faire. Radio Falminioul fait de la radio. Et ça donne ça. Au cœur d'un paisible petit village de Wallonie, chaque jour, René l'animateur et Guy de la Sono œuvrent à transmettre de la joie sur les ondes locales de Radio Falminioul. Des moments de vie exceptionnels que l'on vous offre. Découvrez le jour où ils ont fait un flash info. Bienvenue, chers auditeurs, auditrices. Vous êtes en ce moment même à l'écoute de Radio Falminioul, la radio qui vous rend ma boule. Mais qu'est-ce que c'est que ce slogan, ça, Guy? Quoi? J'ai mis un mois pour trouver ce slogan. Tu sais, ce n'était pas si évident. Il a fallu réfléchir, encore réfléchir, et encore réfléchir pour trouver une rime qui allait bien avec Falminioul. Le principe d'un slogan, c'est de mettre la radio en valeur, mon vieux. Pas de résumer ton problème. Au lieu de perdre ton temps à réfléchir, tu veux bien dire à nos auditeurs ce que nous allons faire? Chers auditeurs, au programme de cette journée, nous allons vous donner les informations du jour. Tout à fait, voici les informations. Une joggeuse tuée par un homme nu dans un parc en Suisse. Une cuve de métal en fusion explose. 3 ouvriers blessés, dont un gravement. Vol Londres-Singapour. 20 personnes toujours. En soins intensifs à l'hôpital de Bangkok. Dieu, non! Qu'y a-t-il, mon Guy? Tu as de la famille parmi ces 20 personnes en soins intensifs? Non, c'est pas ça, mais écoute cette info. Promotion sur les chaussettes à pois. Deux paires pour le prix de 4 chaussettes. Oui, alors, c'est bien, c'est tout à fait le moment d'en parler. Oui, mais cette promotion s'est terminée il y a 2 semaines, et j'ai loupé ça. Oh, je vais jamais savoir m'en remettre. Voilà, mon Guy, prends un mouchoir. Et on termine avec ces nouvelles de Gaza. Et les déclarations diplomatiques semblent tendre vers l'Ukraine. Concerne les seins de glace et des pluies seraient également à prévoir. La reine Mathilde en personne qui sera là pour l'événement, pour ses funérailles. Et c'est ainsi qu'on referme ces informations. Ça va mieux, mon Guy? Beaucoup mieux, oui, merci, merci. Et merci pour le mouchoir aussi, hein. Oh bah mince. Mais Guy, tu t'es mouché dans ma toute nouvelle chemise de la collection E5 Mode. Oh non, elle est souillée, regarde-moi ça, il y a de l'huître partout dedans. Elle va peut-être plus chère maintenant, hein, tu sais. Elle va servir de torchon pour laver ton visage. Vous pouvez constater que la FM a encore du punch. A bientôt pour de nouvelles aventures chez Radio Falminioul. L'actu connecté et les dernières tendances, c'est avec Jadoul. En podcast. On a répété par cœur la chorégraphie sur sa musique. Jadoul est en rythme. Antoine, tu suis le rythme? Je suis. Waouh. Bon, et franchement, impressionnant, non? Pas mal. Heureusement que c'est que pas de la radio, parce que si vous, franchement, vous aviez l'image, vous seriez ébloui en conduisant. Époustouflé. D'ailleurs, vous ne pouvez pas regarder la radio en conduisant. Non. Regardez la route. Regardez la route! Oh! Bon, il est en bloup, bloup, bloup, bloup, bloup. Avec toi, Antoine, on va revenir sur les 3 grandes conférences des grands de la tech aux États-Unis ces dernières semaines. Et c'est Apple qui a dégainé la première. C'était le 7 mai dernier. On voulait de nouveaux iPads. On a eu de nouveaux iPads. Oh. De nouveaux iPad Air qui se déclinent maintenant aussi en grand format. 13 pouces pour la première fois qui embarque la puce de la précédente génération des iPad Pro. Il ne manque pas d'air. Ceux qui ne manquent pas d'air, ce sont les nouveaux iPad Pro, ils passent à la puce M4 aux écrans OLED, des iPads surpuissants, mais qui font toujours tourner le quasi même système que l'iPhone. C'est donc compliqué de justifier 1 219 € minimum pour le 11 pouces et 1 569 € pour le 13 pouces, et encore sans clavier, ni pencil, ni tous les trams. Le pencil, c'est le crayon. C'est le crayon, oui. Du on a tous un doigt, on sait faire plein de choses avec un doigt. Mais non. Ça, tu me l'isoleras aussi. Allez, et Google est toujours en vie dans la tech, il y a du neuf chez eux. Oui, Google a embrayé mardi de la semaine dernière. On s'attendait à des annonces classiques autour d'Android et smartphones Pixel. Et non, Google a annoncé quelques jours en amont son nouveau téléphone milieu de gamme, le 8A pour 549 €, quasiment rien sur Android. La star de cette Google I.O. c'était Gemini, le concurrent direct de GPT d'OpenAI. L'intelligence artificielle va s'installer et vous aider dans les recherches effectuées sur Google, mais aussi dans votre photothèque, dans la détection des appels téléphoniques intempestifs sur Android, dans votre navigation Internet sur Chrome. Bref, Google mise à fond sur l'intelligence artificielle, d'autant plus que la veille, OpenAI, donc derrière ChatGPT, avait fait une annonce surprise avec un nouveau modèle encore plus rapide et encore plus mieux. Il y a aussi une intelligence artificielle chez Microsoft. Et oui, grâce à Copilot qui arrive tout doucement un peu partout dans Windows 11 et surtout une nouvelle génération de PC qui arrive avec des processeurs Snapdragon comme sur les téléphones Android, mais aussi des nouvelles puces Intel et AMD, une nouvelle génération de PC Windows appelée Copilot Plus, annoncée comme 58% plus puissante que la dernière génération des MacBook Air d'Apple. Notons qu'il y a aussi eu une mise à jour pour les Surface Pro, les Surface Laptop, les 2 grandes gammes de portables de Microsoft, des surfaces qui vont plus vite, qui ont plus d'autonomie, un meilleur écran pour le pro et un tarif en Europe qui commence à 1 200 €. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les trois dernières grandes conférences tech. L'industrie se tourne donc vers l'intelligence artificielle. Une seule boîte semble quand même toujours être à la traîne, c'est Apple. Elle commence à en parler timidement dans sa com, notamment dans les nouveaux iPad Pro. On peut espérer que ça bouge à la WWDC le 10 juin prochain. C'est la grande messe des développeurs Apple. Il serait question d'un partenariat avec OpenAI et donc avec GPT pour muscler un peu Siri, notamment, et on l'espère, iPadOS. Stay tuned, comme on dit. Tu te positionnes comment, Baptiste, par rapport à tout ça, toi? C'est-à-dire que moi, je n'ai pas changé ma photo de profil depuis 2017. J'ai cru comprendre que tu étais... Donc, il y a beaucoup de mots que je n'ai pas bien compris. Mais copilote, voilà. Moi, j'ai pris l'avion une fois, donc moi, c'est tout ça. D'où la moustache. La moustache d'aviateur. Oui, voilà. Cette séquence est disponible en podcast et tu peux l'écouter en 0,5. Voilà. Heureusement qu'il y a des podcasts. Pour te comprendre. Merci, Antoine. À la prochaine. Tous les mercredis, c'est avec un bon rétablissement. Et c'est avec Jadoul. En podcast. C'est également pour la direction. Des bisous. Merci de nous avoir choisis. Je vous propose qu'on fasse le retour de notre jeu. Notre jeu qui s'appelle le... Doudou, doudou. Avec Lily Tonic qui est là pour nous faire jouer. Bonsoir. Bonsoir. Ça donne le ton. Bah non, d'un chien. Elle y va. C'est tonique. Vous avez vu Lily, il y a ici derrière moi là. Coucou le nouveau. Tu veux un câlin? Tu t'es proposé aussi gentiment. C'est parfait. Mais tu sais quoi? Fais-lui un câlin. Observe. Qui va faire la première manche? C'est pas un exemple, hein. Oui, bon ça. Aïe. Je vous rappelle. Oui, vas-y, rappelle le concept. La musique ne s'arrête pas. Tout est sur les rails, c'est un train en marche. Vous êtes obligé de donner une réponse du tac au tac. Vous ne réfléchissez pas, il n'y a pas de « Ah, je sais pas !» Il n'y a pas. D'accord ? C'était une belle imitation. C'était... Ouais. C'était presque méchant. Presque. Par exemple, Capital du Congo. Voilà. Mais allez, dis-le. Mais lequel? Lequel des deux Congos? Oui, il y a deux Congos. Ah, mais merci, non, mais. Merci, mais le Congo belge. Non, on arrête. Bon, allez, suite. Par exemple. Mais non, mais arrête, on commence le jeu quand ça c'est fini. Ça fait... Je ne sais pas. La France fait la taille de combien de terrains de foot? 4. Voilà. Mais sans le E, tu dis 4. Voilà, direct. Okay, tu lances. Okay, okay, des réponses. Okay. On s'en fout si ça marche ou pas, d'accord? Ok. Allez. Comme aux examens. On tape au pif. Tu tapes au pif, mais vite. Vas-y, je parce suis prêt. Parce que t'arrives en retard aux examens. Donc. Bah oui, tu allez, on se concentre. On y va, on se fait la première manche? Allez, on se la fait. C'est parti. Qu'est-ce qui doit être cassé avant qu'on l'utilise? Une assiette. Un œuf. Quel mois de l'année a 28 jours? Février. Tous les mois, qu'est-ce qui est toujours devant soi et qu'on ne peut jamais voir? Une voiture. Son futur, qu'est-ce qui est plein de trous mais contient de l'eau? Une chaussure. Une éponge. Ah, mais enfin, rattrape-toi en chantant avec moi maintenant. Pas mal, les chenômes. Bah, j'en ai pas une de bonne. Non, mais c'est marrant. Bien. Oui, c'était bien. Quoi que février. La suivante, je la fais à qui? Qui tu veux, Antoine ou Baptiste? Allez, soyons fous. Antoine? Soyons fous. Baptiste. Qu'est-ce qui augmente mais ne diminue jamais? Le prix des mecs. L'âge. Je rase tous les jours mais ma barbe ne change pas. Que suis-je? Moi-même. Un barbier, à quelle question on ne peut jamais répondre oui? Non. Est-ce que tu dors? Qu'est-ce qui a plusieurs clés mais n'ouvre aucune serrure? Passe-partout. Le solfège. Ah, mais enfin, rattrape-toi en chantant avec moi maintenant. Ben oui, merde. On s'en sort pas trop mal. C'est génial. Maëva l'a bien pris aujourd'hui, je pense que... Pardon. Non mais. En antenne. Allez, on lisait ça aussi. Beaucoup trop tôt de nouveau. Beaucoup trop tôt. On va te laisser respirer. Oui, merci. Je le regardais bien dans les yeux. Eva l'a bien pris aujourd'hui. On va faire Baptiste. Hein. Allez, viens. Jingle. Quelles sœurs ont une très bonne vue? Les sœurs jumelles. Les sœurs jumelles. Que demande un magicien en boulangerie? Un éclair. Une baguette. Que dit un citron quand il veut en arrêter un autre? Je suis pressé. Plus un zeste. Quelle fée effraie les enfants? La fée chier. La fessée. Pas la fellation. Allez, rattrape-toi en me donnant des fessées en rythme. Bon, ça, j'ai des fourmilles. Arrêtez, Baptiste, t'installes vraiment une ambiance dégueulasse dans cette émission. Non, c'est plus possible. L'actu connecté. Et les dernières tendances. C'est avec Jadoul. En podcast. Maëva, est-ce que tu es là? Oui. La vraie, oh. Maëva, c'est parti, on y va, c'est l'actu dont tu voulais absolument nous parler cette semaine. Bah oui, il fallait en parler, c'est important. Dis-nous tout. Mais TikTok, le réseau social qui est l'une des applications les plus utilisées, est pour la troisième année le partenaire officiel du Festival de Cannes. Voilà. Ah ouais. Est-ce que vous saviez? Non, ah, pas du tout. Moi non plus. On est scotchés. Alors pourquoi TikTok se lie à ce festival? Déjà, on ne peut pas nier que TikTok a un impact par rapport au succès des films, enfin au cinéma. Ah ouais. Oui, il y a les bandes annonces, mais aussi les critiques en herbe, et puis il y a les trends, etc. Et ils invitent les TikTokers à aller sur les avant-premières. Par exemple, moi, Dune, j'avais pas du tout envie de le voir, mais quand j'ai vu Timothée Chalamet en interview et tout ça, les costumes, etc., j'avais envie de. Ça m'a intrigué. Je suis le seul à l'appeler Timothée Chalamet, non? Timothée Chalamet. Léa Salamé, qui? Non, laisse la dame parler. Mais ce qui découle surtout de ce partenariat, c'est le concours TikTok Short Film. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ça? Oui, si. Allez, c'est quoi? Eh bien. Tu mets ton plus beau short. Tu filmes. Sur voilà. TikTok. Regardez mes jambes, regardez mes genoux, regardez, je peux déplacer ma rotule. Oh, dégueu. Et dans l'autre sens? Bah attends. Ah oh, purée. Ah bah, je me suis fait mal. Ah, j'ai bloqué. C'est la connerie de trop. Non, c'est plutôt des utilisateurs de plus de 55 pays qui étaient invités à mettre en ligne une vidéo verticale d'au moins une minute avec le hashtag TikTok Short Film entre février et mars. Alors, les vues et les likes des utilisateurs ont permis de sélectionner les 40 meilleurs films. Et après ça, il y a un jury qui on a montré justement hier au Festival de Cannes, okay. Ces 40 vidéos qui les ont départagées. Alors cette année, il y avait le chanteur Attic dans le jury, il y avait aussi le TikToker Iris Feldman, donc il est spécialiste du cinéma, et la réalisatrice de court-métrage et comédienne Enora Hope. Attic. Aïe, aïe, aïe. Ça n'a rien à voir, mais... Alors, il y avait trois prix qui ont été remis. Donc, il y a le grand gagnant, celui du meilleur scénario et celui de la meilleure réalisation. Et en plus, il y a des récompenses qui vont de 5 000 à 10 000 euros pour aider les gagnants à les soutenir dans leur prochain projet. Ah oui. Alors, comme je l'ai dit, les résultats, c'était hier. Ça a été délibéré hier. Donc, je vous les donne. Alors, ça ne va pas vous parler. Si vous voulez vraiment taper sur TikTok ce que je vous dis pour le voir, parce que je ne vais pas vraiment vous aider. Mais en gros, le grand gagnant, c'était le titre Ouija par un utilisateur de Thaïlande. Oui. Oui. Jadoul. Non, c'est pas ça. Non, c'était pas ça. Donc l'utilisateur, il s'appelle Do Like a Duck. La meilleure réalisation, elle a été remportée par un Français, Walter Dix. Le titre, c'est 1, 2, 3, voilà. Et enfin, le meilleur scénario, c'était pour un Anglais, Mussolini, avec With Deepest Regrets. On l'embrasse, Mussolini. Comment? Mussolini. Voilà. Mais si vous tapez sur TikTok, gagnant TikTok Short. L'hashtag Short Bermuda Festival. Non, TikTok Short Film, gagnant. Merci de nous avoir fait voyager à Cannes. Avec plaisir. On est bien là. C'est pas vraiment là-bas. Ah, c'est la Côte d'Azur plutôt. Ouais. Azur. Tu crois qu'on a ça dans la boîte? Côte d'Azur. Waouh, on a quand même très beau titre. Nougaro. Dis donc. Jadoul. Bah, tu chantes bien, Luce, quand tu t'y mets. Oui, hein, quand j'ai ma voix qui revient, y a pas de souci. Direction le certifié. Attention, on se fait une séquence qu'on adore dans cette émission. Vous savez, c'est le moment où on a décidé de mettre une vidéo, une émission, quelque chose à l'honneur. Et là, cette fois-ci, c'est une archive de la RTBF. Une famille bruxelloise passe un week-end à la mer. Alors attention, accrochez-vous bien. On est en 1972. Eh bien, on va essayer d'avoir un week-end de qualité, hein. On va essayer de faire ça relax, de... Hein, on ne passe pas souvent des week-ends, nous ne partons pas tous les week-ends, alors on va essayer de passer celui-ci en qualité. Alors, bon, le père de famille a un petit poil stressé, mais il se rassure. On part en week-end, on nous a donné un petit chalet là-bas, j'espère que c'est bien. On verra, on ne va pas dépenser des sommes folles, on va essayer. Mais enfin, on part, tant pis, on fait un petit effort, pour les gosses aussi, hein, c'est une expérience. Bien. C'est une expérience, hein, on va essayer de faire, on va voir ce que ça donne. Hein. Ah oui, la voiture n'a même pas démarré, que les esprits s'échauffent déjà. Ah oui, l'appareil photo, le lit, et ça c'est quoi, sur mon découvert? Oui. C'est lourd. Tu vois que t'as pris tes casseroles avec, ouais. Non, on sait jamais. Oui, on ne sait jamais, les casseroles, les couverts, on y va. On a pris frigidaire, non, pas encore. Ok, d'accord. Allez, les gamins sont calmes. C'est terminé maintenant. Qu'est-ce qui a tapé sur... Karine, pourquoi tu pleures? Parce que je les ai avec mon tour toujours sonné. On discute encore une claque à chacun. C'est bien, hein, on part en week-end, il faudrait tout de même rester. Allez, on va s'entendre, les gosses. Allez, on va s'entendre, allez, ça va. Et là, sur la route, ils s'imaginent. Où vont-ils arriver? Est-ce que ça va être beau? Un bungalow, ça doit être bien, hein. D'après ce qu'il explique, il est... On est bien là-bas, lui, hein? Oui. C'est gentil de nous l'avoir prêté, hein? Ah ben, d'après lui, il y a même deux chambres à coucher, dit. Oui, merci. Et une salle à manger, qui dit. Oui. Bon, non, mais je crois que ça doit être bien, tu sais. Alors, il va avoir l'aération là autour. Mais je crois que ce sera bien. D'après ce qu'il explique, c'est un beau petit bungalow. Hein? Ah oui, ça a l'air beau. Waouh. Ils arrivent sur place. Ils découvrent leur habitat. C'est sympathique, c'est joli, hein, c'est mignon. Hein. Ici, c'est bien. La seule chose, c'est que pour aller dans ta cuisine, tu dois sortir chaque fois chaud. Toi, tu vas aller cueillir des fleurs, et comme ça, tu nous fous la paix. Hein. On a un peu la tranquillité. Mais il va cueillir des pissenlits, cueille pas autre chose. Hein, oh, elle est malheureuse. Bon, là, le père de famille s'éloigne un peu des gosses pour quand même donner son avis sur le camping. Si vous appelez le ruisseau la nature, ici, hein, moi, j'appelle pas ça la nature, hein, dites. Il y aurait moyen d'entretenir ça autrement aussi, en gros. Hein. Oui, c'est vrai que sur les images, ça ressemble plutôt à un bidonville. Mais bon, on est à Blankenberg. Hein. Alors là, il va faire la rencontre de son voisin de camping. Vous venez d'entendre son avis. Ouais. Là, il rencontre un gars qui est quand même, depuis 24 ans, dans ce truc, tous les week-ends. Ça a l'air bien gentil chez vous, ici. Oui, hein. Hein? Vous voulez l'acheter? Faudrait ne pas voir, hein. Mais on va dîner, hein. Et ça vous plaît, ici, oui? Oui, ça va bien. Marche bien en TV, ici? Oui, il marche bien. Et vous passez vos soirées en regardant la TV, alors? Tiens donc. Et encore mon après-midi. Et l'après-midi aussi? Bah oui. Pourquoi venir à la mer, alors? C'est une très bonne question. D'une grande lucidité. Allez, là, ils ont fait une balade à la mer. Toute la famille est contente d'avoir retrouvé donc, le grand air de la côte belge. Il est l'heure de manger une crêpe. Le papa en profite pour se confier sur ses premières impressions devant sa femme. C'est un autre genre de fatigue, ici. Hein. Enfin, s'occuper des gosses pendant tout un week-end. Je plains les femmes, hein. On dit qu'elles ne travaillent pas, mais quand elles ont 4-5 gosses, là, s'occuper de la moutarde, moi je les plains. Mais non, chérie, mais c'est vrai, tu sais. Pour une fois, j'ai un mot favorable à ton égard, mais c'est vrai. Oui, parce que la caméra était là, surtout. Ouais, pour une fois. Ouais. Un petit compliment. Bon, après une journée, le bilan, ça va? C'était sympa? Vous êtes mieux à la maison? Il n'y a pas de comparaison. Vous ne voulez pas dire qu'il faudrait être loufoque pour le faire, mais tout de même, hein, tous les week-ends. Disons que les gens qui le font doivent avoir une certaine dose de courage. Voilà. Ouais. Il n'est pas prêt de repartir à la mer, hein, je pense. Non, que je le pense garçon, là, non, on y est. On passe à la suite? Oui. Allez, c'est parti. The Music Machine. The Music Machine. C'est parti, on y va à la Music Machine, c'est très simple. Toi, tu regardes pas mon écran, toi. Hein. Non. Ah, non, il y a toutes les réponses. C'est pour ça que j'avais gagné l'autre fois, en fait. Mais... C'est qu'à toi. Non, même si tu n'as pas gagné au blindlet. Non, ça, je suis nul en blindlet. Fais exprès de perdre, mais tu m'envoies toutes les réponses sur mon téléphone. Le principe est simple, on prend des covers qui viennent de TikTok. Donc, c'est des sons qui ont vraiment été chantés par des vrais gens. Hein. Et il faut reconnaître les originaux. Titre, ouais. Artiste. Ok, et salaire. Non, ok. On joue avec Kix. Oui. On joue avec Baptiste. Yao. On joue avec... Je sais pas ce que c'était, mais... C'est sorti tout seul. Non, mais c'est une fonction du batteur, attendez. C'est ce qu'on appelle avoir un chat dans la gorge. Pardon. Merci. Merci beaucoup. Antoine. Oui. Il joue avec nous. Et bon, la meuf là qui gagne tout le temps. Mais arrête. Mais tu gagnes tout le temps. Mais j'en peux rien. Disqualifié. Allez, disqualifié, c'est bon, elle joue pas. On est déjà assez. Non, et quoi, on a fait la gueule parce qu'il a gagné comme ça au FaceTime, non? Je pense pas. Qui a gagné au FaceTime? Mais Baptiste. C'est très moi, bien, mon moi. Bon, bravo. Merci beaucoup. C'est bien. Merci. Et bim. Bon, allez, on joue. Pour arbitrer tout ça de manière neutre, non, je suis beaucoup trop pourri que pour le faire moi-même. J'ai fait appel à un professionnel. Oh, maîtrise pas, je suis l'huissier du choir. Pour le petit Jadoul et toute son équipe. Oh, maîtrise pas, la la la la la la. Je suis votre huissier et vous allez m'aimer toute la vida. Maîtrise pas fait son entrée dans le studio. Félicita, et tenez Superman, andare lontano, la félicita. Non, non, ça va, merci. Oui, c'est bon, arrêtez. Arrêtez, vous avez fait saigner les autoradios de tout le monde. Arrêtez, arrêtez, c'est bon. Maître Ispa, vous êtes donc là. Je suis heureux d'être ici. Et surtout, vous êtes heureux d'être ici. Mais non, votre fonction. Ah, mais je suis huissier. Ouais, de toilette. Justice. Allez. Ah, de justice. Vous compterez les points, d'accord. Si. Ça, c'est Baptiste, nouveau. Voilà. Bonjour Baptiste. Bonjour. Bonjour Baptiste. Oui, bon. Bonjour dentiste. Tu peux l'appeler le nouveau pour le début. Bonjour le nouveau. Ou le mec derrière moi. Mais t'en fous. C'est moi la molle. Bonjour la double molaire. Oh. Double molaire. Merci. Voici la première manche. Vous jouez de l'autre côté de la radio avec nous. On se concentre. C'est quelqu'un qui nous a beaucoup manqué et qui a sorti cette véritable pépite. It's in Texas. Beyoncé Texas Hold'em. This ain't Texas. De demander la vie à l'avare. On va quand même écouter la version de David, fils de Momon. Ah oui. Il est vraiment pas mal. Et vous savez quoi? Vraiment, ce qu'il y a à retenir de ça, c'est qu'il l'a sorti sur Apple Music, sur Spotify. Oui, c'est disponible. Wow. J'ai vu passer, oui. Oui. Ça s'appelle Cover by David, fils de Momon. Et sans aucune vergogne, vous pouvez très bien ajouter dans votre playlist en boucle. Quand tu fais ton créneau avec Maëva. Du premier coup. Ouais. Yeah. Solo. Eh, et maintenant, attention, Antoine. Oh ben non, enfin, on y était pas. On y va, on se fait la deuxième manche. Il est 6 heures au clocher de l'île. Les mots bleus. Dans le square, les fleurs. Qui chante ça? Christophe. Je lui dirai les mots bleus, les mots qu'on dit avec les yeux. Parler me semble ridicule. Ça, ça c'est plus ma cam normalement. C'est vrai? Ouais, j'aime bien. On se serre la main. Issu de la main, je n'ai jamais vu ouais ça. Ouais. Non, Kix c'est pire. Ah. Oh bah on s'échangera tout va, à l'heure. Ça va, ça va. On y va, on se fait le refrain version TikTok. Je lui dirai les mots bleus. C'est Johnny. Les mots qu'on dit avec les yeux parler me semble ridicule. En fait, ce qui est fou, c'est que Baptiste a un micro-main, comme les chanteurs de chez TikTok. Et en fait, j'ai vraiment. C'est le crooner. Ouais. Parce que la version Baptiste des mots bleus, c'est. Elle me dirait les mots bleus. Ouais, non, laisse tomber. J'essaie de remixer un peu. Ça fait un point pour Maëva, un point pour Kix, un point pour Antoine et zéro point pour la double molaire. Qu'est-ce que c'est la double molaire? Baptiste. Ah oui, Baptiste. Mais oui. Batoy, vous savez dire ça? Batoy. Ah bah voilà, ah bah voilà, c'est très bien. Batoy. Batoy, voilà. Double molaire, batoy. Batoy 2001. Non, laissez tomber, vous comprenez. Non, ça va pas grave. Allez, on y va, on se fait la troisième manche. On rejoint Cassandra. Tu sais, la vie ne vaut rien si tes yeux ne sont pas dans les miens. Oh, j'ai du mal à faire le lien. Je deviens pâle sans tes mains. Allez, Maëva. Oh, j'aimerais tout donner pour toi. Mais enfin, je te donne mon corps et puis ma voix. Ma voix. Voler, Véronique sans son. Non, ben non, ben non, ben non. Véronique avec son. Ma joie. Est-ce qu'elle boit là? Non. Je t'aime, comment fais-je? Oui, oui, Oshi. Bonne réponse. Je t'aime, comment fais-je? Je t'aime plus que tu m'aimes. Je t'aime. Et le titre arrive. Comment revêtir le ciel de la couleur de nos veines? Est-ce que tu m'aimeras? Est-ce que tu comprendras? Titre. Ce que veulent attention. Dire les gens qui vivent imprudemment. Alors ça arrive, ça arrive. Ah merde, dommage, je t'aime trop tôt. À rendre compte. Bien calé. Je t'aime à ma façon. Et même après, je à ma façon. Et même après, je t'aimerais. Et même après, je t'aimerais. Waouh. Wow. C'était dur, là. Ouais, jamais 203. En même temps, la façon TikTok, elle était pas facile. Je t'aime, comment on fait? Je t'aime. Oui, c'est bon, ça va. On a notre dose. On y va, on se fait la avant-dernière manche. Ouais. Ouais. Jadoul tape sur les tam-tam. On ne savoure jamais les musiques de fond dans l'émission. Non, dans tous les médias. On doit aussi deviner c'est quoi là? Oui. Attention, on se concentre. C'est Jadoul. Ah, bonne on arbitre. On maîtrise pas, maîtrise pas. Non, je rigole, ça comptait pas, maîtrise pas. Sortez. D'accord. Non. Moi, j'étais en train de noter, moi aussi j'étais. Non, non, non, non, c'était une blague ça. Ok. Blague, humour. On y va, on se fait l'avant-dernière manche. Concentrez-vous, on reste dans la joie et dans la bonne humeur de ces chansons là jusque maintenant. Il y a tant de vagues et de fumée. Le paradis Berger. Blanc, Michel Berger. Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Où les nuits sont si longues qu'on en oublie le temps. C'est aussi ta cam, c'est pas dit. Normalement, oui, mais celle-là, je la connais pas. Demande à Pierre Palmade, peut-être qu'il ah oui, peut oui. T'aider. Le fameux sur les cams. Non, pour le paradis blanc surtout. Ah. Je m'en irai courir dans le paradis blanc. Loin des regards de haine et des combats de sang. Retrouver des baleines. Parler aux poissons d'argent. Comme avant. On le fait durer, le Michel Berger, mais c'est parce qu'on aime bien la version... Mais ce que j'allais dire, la version TikTok, ça donnait quoi? Je m'en irai dormir dans le paradis blanc. Ah oui, c'est un peu différent. Très bien. Ah oui. Mais c'est Lily Tonic. Les nuits sont si longues, on en oublie le temps. Non mais Lily Tonic, vous auriez pu nous dire que vous viez ça. Oh. Bonsoir. Oh bah dis donc, franchement, là, vous avez fait fort. Être dans le blanket... Reste si pur qu'on se baigne dedans, à jouer avec le vent, comme dans mes rêves d'enfant. Au moins, elle a été honnête, elle l'a pas pris trop. Comme, oui. Comme avant. Mais du coup, elle a dû faire un la suite très bas. Oui, c'est vrai. Maîtrise pas. Allez, là, c'était très serré. Qui s'est passé quoi? J'ai fait 2 points pour Antoine, 2 points pour Maëva, 2 points pour Kik, 0 point pour Patiche. Eh oui. C'est chaud, non? Je resterai à 0, à mon avis. Non, bah attends, le dernier. Oui. Hein? C'est vrai qu'il faut pas perdre espoir. Oh, ça, c'est la phrase de défaitiste. Je suis déjà dans le fond, de toute façon. Alors, la phrase de défaitiste. Ou de débattiste. Bon, il va arrêter maintenant. Allez, débattons. Débattistons. Débat-toi, ouais. Oh, c'est mignon, ça, débattistons. Oui, c'est mignon. On a l'impression que c'est une armée là qui vient de nous attaquer. On y va, dernière manche, finale. Je baladais sur la Champs-Élysées, je descends. Waouh! Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Et heureusement que ce n'est que de la radio, parce que je peux vous dire que Sabina nous a offert un clip qu'elle a tourné à Paris aux Champs-Élysées. Et c'est magnifique, parce que déjà quand vous avez le grain de voix... Elle roulait sur des pavés? Non, non, non. Elle a un beau vibrato. Oh, bataille! Tu es amie avec elle, voilà. Quoi? Ah non, mais. C'est moi où vous venez de dire qu'elle avait un bataille? Bah oui. Un et toi, t'en as même pas, Jadoul. C'est les pavés ou le bataille? Mais il y a quelque chose. Mais arrêtez, toutes les femmes vont aller dans les sex shops après dire « Je veux mon bataille ! Je veux mon bataille !» Et nous, on devra se justifier après. Non, non, mais écoutez Sabina plutôt. Au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez aux Champs-Élysées. Bah franchement, je trouve ça très sympa. Allez. Oh, maîtrise pas ! Maîtrise pas ! Géro ! Attendez, là, c'est les reveals. Désolé. Vous commencez donc par le plus mauvais et après vous finissez par... Les plus grands gagnants de l'histoire ! Allez, attention, on y va. Hein ? Géro pour Baptiste. Et bim, zéro. Bataille. Ouais, le vibro là. Tu as raté ton diplôme. Kix, tu as 2 points. Antoine, 3 points. Maëva, 3 points. Ah mais non, attendez, égalité, vite. On se fait une... Alors ouais, je me la raconte. Ouais, ouais, je déconne. La boulette, non, diaps. Ah ouais, on déconne. Ouais, ouais, on est pas. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, mais... Ouais, on déconne. Ouais, ouais, on déconne. Non, non, c'est pas l'école qui nous a dicté nos codes. Non, non. Génération, non, non. Ah franchement pas mal, merci beaucoup Brandon pour ça. Donc c'est une victoire de Maëva. Mais quoi? Mais moi j'ai craché mon âme pour l'avoir. Ouais. T'as un bateau, c'est ça ton secret? Non mais non, je parle pas comme ça. Il y a plus pile. Bon, merci à tous. On va recharger Baptiste, bateau. Ouais. On se retrouve la semaine prochaine, bisous. Ciao. Zoubi. Jadoul revient mercredi prochain.